un peu de culture au petit déjeuner à 6h21 sur France Bleu. Les gens d'ici, ces personnalités qui se sont illustrées, alors en Pays de Savoie, en France et plus largement dans le monde, c'est le cas de ce peintre savoyard, François Cachou, qui aimait peindre la nuit. Oui, mais pourquoi ? Début d'explication ce matin avec Christine Martinez. À 23 ans, François Cachou apprend la peinture à l'École des Beaux-Arts de Paris auprès de Delaunay et puis de Gustave Moreau. Dessin, pastel, peinture à l'huile, le jeune peintre apprend les techniques et s'essaye au paysage et au portrait. Nous sommes dans les années 1880-90. Le jeune chambérien, très talentueux, reçoit des prix, expose au salon de la Société des artistes français. Et en 1900, François Cachou est nommé peintre officiel de la marine. Le XXe siècle est un tournant pour Cachou. Il peint la nuit et l'eau, la nuit et ses reflets, la nuit et son silence, la nuit et son clair de lune, la nuit qui transforme jusqu'à son âme. Mais au fait, pourquoi la nuit ? Quand on reprend le texte qu'il a écrit en 1917, « Comment la nuit peut-elle être peinte ?» Christophe Mottet, auteur du livre « Les nuits de François Cachou ». On comprend que cette relation est finalement une relation d'amour, une passion amoureuse entre l'artiste et la nuit, parce que la nuit était capable de le transcender, elle était capable de provoquer en lui des émotions d'une telle intensité qu'il s'empressait après de les extérioriser sur des cartons de petite dimension. Donc, si on veut bien comprendre le processus créatif de François Cachou, il faut bien comprendre que bien plus que la simple représentation d'un paysage de nuit, c'est l'effet que cette nuit provoque en lui qui est le véritable sujet du tableau, et donc qui confère à l'ensemble de son œuvre, qui emprunte donc de nature avec un grand N, son caractère universel. La nuit, une relation d'amour, donc des émotions parfois indicibles, mais comment François Cachou fait-il pour peindre cette nuit ? Ces émotions qu'il va ressentir, il va vouloir les extérioriser. Pour ça, il va utiliser les critères esthétiques de l'époque. Mm-hmm. Alors, quand il rentre aux Beaux-Arts en 1889, il est confronté à deux grands courants esthétiques. Il y en a un qui est en fin de cycle, c'est l'école de Barbizon, dont les maîtres fondateurs sont Corot, Daubigny, Millet et Rousseau. Et puis, un nouveau courant qui émerge avec les impressionnistes. Et ces deux courants artistiques-là joueront un rôle fondamental dans son processus créatif. D'accord. Mais lui, techniquement, qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Il sort la nuit, il rentre, il fait quoi ? Alors, la nuit, il va sortir. Il va sortir, il va rechercher cette expérience sensorielle au contact de la nuit. Donc, il la cherche vraiment. Il la cherche vraiment. C'est ce qu'il aime. Voilà. Ah, c'est une sorte de relation amoureuse. Il va retrouver sa fiancée. Ouais, ouais. Cette expérience sensorielle, il va la traduire dans un premier temps sur des cartons de petite dimension. Mais il peint pas sur place. Donc il peint rentre... sur place. Ah, il peint sur place. Il peint sur place. Donc, il part la nuit avec des petits cartons, de l'huile, des pinceaux. Il va avoir un choc émotionnel qu'il va transposer sur des cartons de petite dimension. Donc, avec une facture de type impressionniste. D'accord. Après, dans un second temps, ces petits cartons, c'est autant d'esquisses de pochade, lui serviront d'études préparatoires pour des grandes huiles sur toile qu'il réalisera à l'atelier et qu'il exposera lors des salons des artistes français ou les différentes expositions d'art français à l'étranger. Et la critique parisienne connaissait essentiellement ces grandes huiles sur toile que Cachou réalisait donc à l'atelier. C'est la raison pour laquelle on le surnommait le Corot de la nuit. Mais si on veut vraiment comprendre quel était réellement son processus créatif, il faut prendre en considération, bien sûr, les huiles sur toile exposées dans les salons, mais aussi les esquisses que Cachou réalisait la nuit, justement. La nuit dehors, quand il sortait au crépuscule et qu'il dessinait sur place comme figé cette partie de son âme qui bat au rythme d'un clair de lune. C'est joli. Un peintre d'ailleurs qui sera récompensé par son travail. Il va peindre le lac de Lamartine. Et pour cette œuvre, il va recevoir un prix à l'Exposition universelle de Paris en 1900. On évoquera tout cela demain sur France Bleu. Soyez prudents, si vous êtes sur l'A40 du côté de Bellegarde-sur-Valserine, il y a des vents violents qui sont signalés ce matin. Point complet justement sur l'état du trafic, ce sera dans un instant sur France Bleu Pays de Savoie. Et puis dans la prochaine demi-heure, qu'est-ce qu'on va vous offrir avant 7h ? Oui, le concert de Fabienne Thibault. Fabienne Thibault qui nous rend visite, elle sera le samedi 28 janvier à 20h30 à La Bulle, c'est à Douvaine. Et c'est à gagner donc dans une demi-heure sur France Bleu au 0806 00 10 10. Allez, on se réchauffe ce matin, chorégraphie, les années 70 avec Boney M et Rasputin. Bonne journée. Bon réveil. To do something about this outrageous man became louder and louder.